quand tu souris. Je veux t'entendre, ça me suffit. Pour te comprendre, c'est ça la vie. C'est pour apprendre que tout est dans le cœur. Tu es trop petit, tu es très gros. T'es pas joli, c'est la vie. Je suis trop bête, rien dans la tête. Mais nous pouvons parler. Alors, quand tu souris, je peux t'entendre. Ça me suffit pour te comprendre. C'est ça la vie, c'est pour apprendre que tout est dans le cœur. T'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es pas d'ici, pas de chez moi. On se tire la tête, c'est pas la fête, mais nous pouvons changer. Alors, quand tu souris, je veux t'entendre. Ça me suffit pour te comprendre. C'est ça la vie, c'est pour apprendre que tout est dans le cœur. Elle me fait peur, ta différence, c'est mon malheur, ma souffrance. On se déteste, c'est comme la peste, mais nous pouvons chanter. Alors, quand tu souris, je peux t'entendre, ça me suffit pour te comprendre, c'est ça la vie. C'est pour apprendre que tout est dans le cœur. Quand tu souris, je peux t'entendre. Ça me suffit pour te comprendre. C'est ça la vie. C'est pour apprendre que tout est dans le cœur.